Salut, Kate. 2, 3, 4. Déjà, dès le commencement, j'ai senti comme un tourment. Je voulais faire pour le meilleur. Vous l'avez saccagé. Et la mer, vous l'avez souillé. C'était pourtant Titi. Ça va, Titi? Bon, on va en faire un autre. Je suis sûr que Kay va nous faire un super nap de synthé. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Regarde ce que j'ai comme. stop. Ah, je repars. Je recommence. Baby, si tu voulais, que je veux. Je veux sentir ta peau. Thank you. Hey, hey. Yes. Putain, j'ai des micros. Problème de connexion. Thank you. Thank you. arriver celle-là. Je sais pas si elle est accordée cette guitare. Thank you. Thank you. Thank you.